3, 2, 1, ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Dès 1971, le producteur Arthur P. Jacobs discutera d'un projet de série télévisée avec les exécutifs de la 20th Century Fox. Ce sera finalement durant la production de Conquest of the Planet of the Apes que fut prise la décision d'un cinquième et dernier film ainsi qu'une série hebdomadaire à la télévision. Au début de 1973, Jacobs et les exécutifs de la Fox conviendront que la franchise cinématographique avait suivi son cours. Et donc, avant même de commencer la production du dernier film de la série, ces derniers vendront les droits de télévision à la chaîne CBS, qui avait précédemment acheté les droits de diffusion télévisée des trois premiers films de la franchise pour plus d'un million de dollars. Un concept sera alors préparé, concept qui mettait en scène deux personnages astronautes humains qui s'écraseront sur la planète des singes lors d'un vol de reconnaissance qui tournera mal et qui feront la connaissance d'un chimpanzé qui cherchera alors à les aider à retourner dans leur temps. Le scénariste Rod Serling écrira le scénario d'un épisode pilote en deux parties. Certaines de ses idées seront conservées dans le scénario final de l'épisode Escape from Tomorrow, qui sera finalement réécrit par le scénariste Art Wallace. Malheureusement, le producteur Arthur P. Jacobs décédera d'une crise cardiaque soudaine à l'âge de 51 ans en juin 1973, soit deux semaines après la première de Battle for the Planet of the Apes. Après sa mort, AP Jack Productions vendra tous les droits et privilèges de Planet of the Apes à la 20th Century Fox, qui démarrera alors la production du projet de série en septembre 1973. Ce sera le directeur de casting Marvin Page qui sera alors embauché pour s'occuper de la distribution de la série alors que les producteurs exécutifs Stan Hogg et Herbert Hirschman prendront la place de Jacobs aux commandes du projet. CBS commandera une première saison de 14 épisodes avec un budget d'environ 250 000 $ pour chaque épisode. Cherchant un acteur pour interpréter le personnage du chimpanzé Galen, la production sera surprise lorsque l'acteur Roddy McDowall, par l'intermédiaire de ses représentants, approchera les producteurs afin de montrer son intérêt au projet. L'actrice Kim Hunter sera par la suite invitée, mais celle-ci refusera. Par la suite, Mark Leonard, James Naughton et Ron Harper seront signés après plusieurs auditions, Naughton ayant refusé à plus de trois reprises le rôle de Burke avant d'accepter à cause d'un simple manque d'argent. Pour Harper, celui-ci obtiendra le rôle après avoir réalisé son audition en pleine lune de miel. Le tournage se déroulera dans les studios Fox et les scènes furent réduites au minimum, principalement à cause du bas budget de production. La plupart des scènes extérieures seront tournées au Fox Ranch, ainsi que sur l'ancien backlot des studios MGM. Une grande partie du budget sera alors consacrée au maquillage, une équipe de plus d'une douzaine de maquilleurs se trouvant sur le plateau afin de s'occuper des différents acteurs interprétant des singes. Le maquillage prendra plus de trois heures complètes pour appliquer. Bien qu'elle attirât un jeune public, la série télévisée aura du mal à trouver un auditoire plus âgé. Vivant des moments difficiles, l'équipe de production recevra même l'assistance du légendaire créateur de la série Star Trek, soit Gene Roddenberry, afin de restructurer le produit. Malgré cela, CBS Television retirera son soutien et la décision fut prise d'annuler la série télé Planet of the Apes au lieu d'essayer de remanier celle-ci. En décembre 1974, Planet of the Apes sera annulé durant le tournage du 14e épisode, ce dernier n'étant même pas présenté sur les ondes du poste de télévision. La fin prématurée de la série télévisée, à mi-parcours, sera évidemment une déception pour les acteurs impliqués, mais l'explosion simultanée de la vente des articles promotionnels liés à celle-ci incitera les exécutifs de la 20th Century Fox à trouver une alternative plus économique afin de poursuivre la dite franchise. Ce sera une série de magazines en noir et blanc produite par Marvel Comics qui fournira alors la réponse, soit des aventures animées passionnantes produites pour une fraction du coût de production. Les exécutifs entreront alors en contact avec DePatie Freelang Enterprises, surtout connu pour le dessin animé de Pink Panther, afin de produire une série animée avec des épisodes d'une demi-heure qui serait alors intitulée « Return to the Planet of the Apes ». Ce sera le réalisateur et producteur associé Doug Wilde qui, responsable de la très populaire série Johnny Quest, sera alors embauché pour s'occuper de superviser le dit projet. Les scénaristes auront alors carte blanche pour créer un nouvel univers de la planète des singes qui sera ici beaucoup plus basé sur le roman de Pierre Boulle que sur les films produits jusqu'à ce moment. Les singes étant ici une race plus avancée avec à peu près toutes les commodités dont l'homme moderne disposait avant sa régression. La nouvelle série télé, qui suivra de façon hebdomadaire les astronautes Bill Hodgson, Jeff Allen et Judy Franklin, commencera à être diffusée en septembre 1975 sur le poste de télévision NBC. Les voix des trois personnages seront alors interprétées par Tom Williams, Austin Stalker et Claudette Nevins. La première saison de la série se terminera en novembre 1975 après seulement 13 épisodes. Malheureusement, une deuxième saison ne sera pas demandée à cause de cotes d'écoute très basses. Malgré cela, NBC envisagera de produire une deuxième saison de seulement 3 épisodes afin de compléter l'histoire, mais cela ne se concrétisera pas. Joe Ruby et Ken Spears, qui créèrent leur société de production d'animation Ruby Spears en 1977, envisagèrent en 1979 de développer une nouvelle série d'animation sur le concept de la planète des singes avec l'ancien vétéran de la compagnie Hanna-Barbera et Marvel Comics, Jack Kirby. Cette série reprendrait les personnages de la série télévisée. Malheureusement, ce concept ne sera finalement jamais utilisé. En 1981, Fox rééditera 10 des 14 épisodes de la série télévisée de 1974 en 5 téléfilms, chacun combinant 2 épisodes, le tout en y ajoutant de nouveaux segments d'introduction et de conclusion, mettant en vedette l'acteur Roddy McDowall dans le rôle d'un Gallon plus âgé. Il faudra par la suite attendre plus d'une vingtaine d'années avant d'avoir un nouveau film dans cette populaire franchise. Donc, c'est ainsi que débute ce dernier volet de notre première phase de la saga de Planet of the Apes, alors que je vous parlerai du dernier film de la franchise originale, soit Battle for the Planet of the Apes, ainsi que du remake du film de 1968, réalisé au début des années 2000 par le metteur en scène américain Tim Burton. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. I'm I'm sorry, sir. This is a private mountain. But I only wanted it. This mountain is reserved for patrons of drive-in theaters. But it's a supply depot for all sorts of good things, which people can get at the snack bar. Like soft drinks, hot dogs, good hot coffee, candy bars of all kinds, delicious popcorn, and refreshing ice cream treats. But I am a patron of this drive-in. Well, why didn't you say so? Be our guest. Mego presents the Planet of the Apes action figures. Dr. Zaius, the orangutan scientist. Cornelius, the archaeologist. Zira, the woman scientist. The soldier ape. And the astronaut. All Planet of the Apes action figures sold separately by Mego. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. We want guns! Now, the final chapter in the Incredible Ape Saga. There it is, or was. This is the hell my forefathers used to speak about. This background radiation alone will give us 300 rentgens an hour. The battlefield, a dead city 12 years after the ultimate bomb has been dropped. The prize, the right to inherit what's left of the Earth. The contestants, ape against man. The most unbelievable showdown ever filmed. As the mutants, strange, transformed men who live underground like moles, battle the apes to decide who will be master and who will be slain. They're getting away. Kill them. Fire! Murdered my son. We will smash the human, and then we will smash Caesar. I don't want to have to remember my husband. I want to love him now. But we who survive create a new race. In the aftermath of his victory, the surface of the world was ravaged by the vilest war in human history. Climaxing the epic series which made motion picture history comes the last, the most spectacular of all the ape adventures. No! Fight like apes! Out of the Forbidden City, they roared, to settle once and for all who had the right to rule the planet, ape or man. Battle for the Planet of the Apes, ou La bataille pour la planète des singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par les studios 20th Century Fox le 13 juin 1973. Ce film américain d'une durée de 93 minutes a coûté plus de 1,7 million de dollars à produire et a amassé plus de 8,8 millions de dollars sur le continent nord-américain. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique John Lee Thompson, lui qui nous avait donné les films Happy Birthday to Me, Ten to Midnight et Firewalker. Au niveau de la production, on y retrouve le producteur américain Arthur P. Jacobs, lui qui avait produit le film Planet of the Apes en 1968 et la version de 1973 de Tom Sawyer. Du côté de la scénarisation, eh bien, ce sont les scénaristes John William Carrington, ce scénariste américain qui avait écrit les films The Omega Man et The Killer Bees, ainsi que son épouse, Joyce Ellen Carrington. Elle avait écrit les scénarios de Boxcar Helena, The Arena et la série télé Texas. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Roddy McDowall, Claude Atkins, Natalie Trundy, Severn Darden, Liu Ares, Paul Williams, Austin Stalker, Noah Keane, Richard Eastham et John Huston. Au 21e siècle, alors qu'une guerre nucléaire a détruit la civilisation humaine, des singes doués de parole entrent en conflit avec un groupe d'humains vivant dans les souterrains d'une grande ville dévastée. Le 5 juillet 1972, soit moins de 6 jours après la première de Conquest for the Planet of the Apes, l'écrivain Paul Dehn, qui avait fourni le scénario de chaque suite précédente, fournira le volet de l'histoire d'un cinquième et dernier volet de la série. Cependant, ce dernier dut se retirer du projet avant de commencer l'écriture du scénario pour des raisons de santé. Ce sera donc les scénaristes John William Carrington et son épouse Joyce Hooper Carrington qui furent recrutés, ces derniers ayant obtenu le succès avec leur précédent projet, soit le film de science-fiction The Omega Man, qui mettait en vedette nul autre que l'acteur Charlton Heston. Le premier jet du nouveau script, intitulé Colonization of the Planet of the Apes, sera remis en septembre 1972. Dehn sera alors rappelé pour peaufiner le scénario qui changera alors de titre en devenant Battle for the Planet of the Apes. Au final, Dehn recevra un crédit pour l'histoire malgré qu'il fera un appel à la Writers Guild of America pour un crédit partagé sur le scénario, affirmant avoir réécrit plus de 90% des dialogues et modifié la fin de l'histoire, une séquence qui nous montra alors un gros plan d'une statue de César avec une larme tombant de son œil. Cependant, la Writers Guild of America rendra une décision en faveur des Carrington pour le seul crédit du scénario, ces derniers détestant complètement la nouvelle conclusion écrite par Dehn. Ce sera de nouveau le réalisateur John Lee Thompson qui sera de nouveau derrière la caméra, devenant ainsi le premier réalisateur à réaliser 2 films dans la franchise. Roddy McDowall et Natalie Trundy seront de retour dans la distribution pour une 4e fois et seront rejoints par le chanteur pop Paul Williams qui interprétera ici un ourang-outan du nom de Virgil. Dans les premières versions du scénario, le personnage de McDonald que nous avions vu dans Conquest devait être de nouveau présent dans ce chapitre, mais malheureusement, l'acteur Harry Rhodes ne sera pas disponible pour le tournage. Au lieu de cela, le script sera changé à la dernière minute et le personnage du frère de McDonald sera alors créé, rôle qui sera alors confié à l'acteur Austin Stalker, qui rencontrera Jacobs et Thompson le 31 décembre 1972 et se retrouvera sur le plateau de tournage 48 heures plus tard. Le personnage du gouverneur Breck devait également revenir, mais l'acteur Don Murray refusera de reprendre son rôle. Ce sera donc l'acteur Severn Darden, qui avait joué le rôle du chef de la sécurité de Breck dans le précédent film, qui sera alors promu méchant principal. Alors que le réalisateur John Landis obtiendra un petit rôle dans le film, ce sera le comédien Sam Jaffe qui signera initialement pour le rôle du législateur. Cependant, l'acteur reviendra sur sa décision lorsqu'on lui annoncera qu'il devait raser sa barbe de 8 ans afin de s'adapter aux appareils faciaux des singes. Il sera donc alors remplacé par le célèbre réalisateur, acteur et scénariste John Huston. Nous assisterons également ici au début sur le grand écran de l'actrice Colleen Camp, qui aura ici un rôle non crédité. Le tournage débutera le 2 janvier 1973 et se terminera 43 jours plus tard, soit le 14 février, avec un budget de moins de 1,7 million de dollars, faisant de ce film le moins dispendieux à produire de la franchise, ce qui mettra en colère le réalisateur qui n'était pas non plus satisfait du scénario final. Le gros du tournage se fera au Fox Movie Ranch, alors que le reste sera tourné à l'intérieur de l'usine de traitement d'eau Hyperion. Une série sinueuse et labyrinthique de couloirs et de passages sombres située près de la magnifique Plaza Delray Beach à Los Angeles. Ce sera dans cette installation que seront tournées toutes les séquences du quartier général souterrain des mutants. Cependant, la température basse causera certains problèmes avec les acteurs, dont McDowell qui attrapera une forte grippe, un inconfort majeur pour l'acteur lors du tournage de ces séquences. Un autre problème pour la production viendra du fait que l'usine se trouvait à proximité de l'aéroport international de Los Angeles. Le bruit continu généré par les vols à l'arrivée et au départ des avions, forçant la majeure partie des dialogues à être redoublée en post-production dans les studios. À cause du faible budget, des accessoires provenant des émissions de télévision telles que Lost in Space, Voyage to the Bottom of the Sea, ainsi que d'autres films de la 20th Century Fox, furent recyclés de nouveau sur cette production. Pour le maquillage, tous les acteurs possédant du maquillage de singe devront subir un processus d'installation de plus de 3 heures, alors que tous les acteurs interprétant des mutants humains devront, eux, rester assis sur la chaise de maquillage durant une durée de plus d'une heure et demie. Pendant la bataille de Ape City, il y aura de nombreuses scènes de cabanes dans les arbres explosant en flammes. En réalité, en raison de contraintes budgétaires, une seule cabane sera détruite, l'explosion ayant été filmée sous plusieurs angles et montée à plusieurs endroits dans la version finale afin de donner l'illusion que de nombreuses cabanes avaient été anéanties. Un journaliste de Marvel Comics, Sam Maroney, décrochera un rôle mineur dans le long métrage alors qu'il était en mission pour la compagnie de comic book. Désirant suivre la distribution lors du tournage, Maroney approchera un de ses amis travaillant pour la compagnie AP Jack Production, Jack Hirschberg, pour obtenir une approbation. Non seulement Hirschberg consentira à son désir de couvrir la production du film, mais donnera au journaliste un petit rôle de figurant. Une tragédie manquera de frapper la production du drame de science-fiction. En effet, alors qu'il quittait le tournage de Battle for the Planet of the Apes, l'acteur Noah Kean, qui interprétait alors le personnage du professeur d'école humain, sera blessé dans un violent accident de voiture lorsque son véhicule sera renversé par une Cadillac. Résultat final de cet accident, de multiples contusions et quelques dents cassées. Pour la composition musicale, ce sera le compositeur Leonard Rosenman qui reprendra ses fonctions qu'il avait déjà occupées sur le deuxième volet de la franchise, soit Beneath the Planet of the Apes, en 1970. De nombreuses scènes seront alors coupées au montage, incluant de nombreuses séquences impliquant la bombe Alpha Omega, séquences qui avaient survécu aux revisions du scénario, mais qui seront supprimées dans le montage final. Toutes ces scènes et bien d'autres seront restaurées pour les sorties commerciales nord-américaines des DVD et Blu-ray en 2006. Battle for the Planet of the Apes terminera premier au box-office à sa sortie, amassant plus de 4,9 millions de dollars durant son tout premier week-end, classement qu'il conservera durant plus de 2 semaines. Au final, le long-métrage de science-fiction amassera plus de 8,8 millions de dollars sur le continent nord-américain et deviendra le film qui amassera le moins d'argent au cinéma de toute la franchise. Moins de 2 semaines après la sortie du film en salle, le producteur américain Arthur P. Jacobs décédera subitement à l'âge de 51 ans à Los Angeles des suites d'une crise cardiaque alors que ce dernier travaillait sur le film Huckleberry Finn. Suite à son décès, son épouse Natalie Trundy prendra les rênes de sa compagnie et revendra alors au studio 20th Century Fox tous les droits associés à la franchise de Planet of the Apes. Malgré des critiques mitigées pour Battle, les exécutifs de la Fox décideront d'aller de l'avant avec le projet de série télévisée qu'ils avaient commencé à développer avec Jacobs. Un autre projet de film sera également mis de l'avant, qui lui sera intitulé « Salvation for the Planet of the Apes », un 6e film potentiel qui avait comme idée de relier les 5 films de la série. Cependant, suite à l'annulation de la série télévisée ainsi que de la série animée, ce projet sera alors abandonné. Un magazine intitulé « Planet of the Apes » sera produit par la maison d'édition Marvel Comics de 1974 à 1977. faisant partie de leur gamme de magazines en noir et blanc qui comprenaient Deadly Hands of Kung Fu, Dracula Lives et Savage Sword of Conan, cette toute première série de bandes dessinées liées à la franchise sera le tout premier média à introduire du matériel original sur la planète des singes, se déroulant dans une variété de régions, d'époques et de conditions différentes qui n'avaient jamais été vues auparavant. Sous le règne éditorial de Roy Thomas, qui a personnellement obtenu les droits des studios 20th Century Fox, le magazine de 84 pages adaptera également les différents films de la franchise des numéros 1 à 28. Le magazine contenait également des reportages sur les différentes productions ainsi que des entrevues avec les acteurs et les membres de l'équipe de production, incluant la série télévisée de 1974. Alors que le magazine terminait sa série d'adaptations cinématographiques, une augmentation des droits de licence provoquera son annulation soudaine en février 1977 avec de nombreuses histoires non résolues. Battle for the Planet of the Apes sera ensuite adapté en livre par l'écrivain David Gerrold. Le roman, publié par la maison d'édition Award Books, sortira simultanément avec la sortie en salle du film et suivra de plus près le scénario original, recréant certains des moments perdus au montage. En plus du décès du producteur Arthur P. Jacobs, le réalisateur John Lee Thompson décédera, lui, des suites d'une défaillance cardiaque le 30 août 2002 à sa résidence de Souk, en Colombie-Britannique, à l'âge de 88 ans. Du côté de l'acteur Roddy McDowall, ce dernier perdra la vie le 3 octobre 1998 à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer des poumons à sa résidence de Studio City en Californie. Après avoir été incinéré, les cendres de son corps seront déversées dans l'océan Pacifique le 7 octobre de cette même année. L'actrice et femme du producteur Arthur P. Jacobs, Natalie Trundy, décédera, elle, le 5 décembre 2019 à l'âge de 79 ans de mort naturelle. Trundy s'était remarié à plus de 3 reprises après la mort de Jacobs. Claude Atkins, qui interprétera le rôle d'Aldo, perdra lui la vie le 27 janvier 1994 à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Noah Kean, qui prendra sa retraite du métier d'acteur en 1994, perdra la vie 4 ans plus tard, soit à l'âge de 98 ans, à sa résidence de Harlem à New York. L'acteur Severn Darden, de son côté, décédera d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 65 ans à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, le 27 mai 1995. Quant au comédien Richard Eastham, ce dernier mourra le 10 juillet 2005 des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer dans une résidence de Pacific Palisades. Finalement, l'acteur Austin Stalker, lui qui avait également prêté sa voix à la série télé Return to the Planet of the Apes, décédera d'une insuffisance rénale au centre médical Cedars-Sinai de Los Angeles, en Californie, le jour de son 92e anniversaire, soit le 7 octobre 2022. La franchise de la planète des singes tombera alors en hibernation pendant plus de 26 ans. Du côté des points forts, eh bien, les restrictions budgétaires paraissent beaucoup ici, nous donnant un spectacle faible dont le résultat final nous démontre un produit hautement commercial dont le but premier est d'amasser de l'argent à l'aide d'une franchise qui se meurt à petit feu. Mais malgré ce spectacle navrant, il faut donner crédit aux réalisateurs qui nous donnent ici une mise en scène de métier utilisant toutes les facilités possibles afin de nous donner un spectacle acceptable et ce, malgré que le spectateur pourrait avoir l'impression de regarder un film fait pour la télévision. Du côté de la distribution, Roddy McDowall et le musicien Paul Williams semblent s'amuser comme des petits fous, donnant un certain humour au long métrage. Mais du côté des points faibles, eh bien, la nette faiblesse de ce film est sans contredit, le scénario simpliste et banal, dont l'intrigue n'est guère inventive et dont l'ensemble n'a plus d'impact de nouveauté ni même l'intérêt que le spectateur pouvait porter dans les chapitres précédents. La distribution est ici beaucoup moins bonne, le maquillage étant également de qualité inférieure au chapitre précédent, nous donnant vraiment l'impression que le citron a été pressé au maximum dans cette franchise. La musique est lourde, forte et omniprésente, ce qui par moments devient tout simplement agressant au niveau des oreilles. Au final, Battle for the Planet of the Apes donne l'impression d'être le pilote de la série télé, mais diffusé sur le grand écran, une manière de terminer une franchise qui, en toute franchise, méritait un bien meilleur sort. Du côté de la musique, eh bien, comme je disais tantôt, c'est le compositeur américain Leonard Rosenman, lui qui avait travaillé sur les trames sonores de Star Trek IV, The Voyage Home, The Lord of the Rings, le dessin animé de 1978 et Fantastic Voyage, qui a réalisé ici la musique du dit film. Sa trame sonore peut être retrouvée sur un album double qui s'intitule Conquest for the Planet of the Apes et Battle for the Planet of the Apes. C'est un CD qui était sorti en 2001 sous l'étiquette Film Score Monthly. Mais sinon, vous avez la trame sonore complète du film Battle for the Planet of the Apes qui va sortir sous l'étiquette Fox Music en 2011. Il est également possible d'avoir la trame sonore de Battle for the Planet of the Apes dans cet album qui s'intitule Planet of the Apes Official Film Series Soundtrack Collection, une édition qui a été limitée à 5000 exemplaires et qui a été distribuée le 16 juillet 2019 par l'étiquette La La Land Records. Je vous fais écouter ici le thème de Battle for the Planet of the Apes. Thank you. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There's soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Now, from Planet of the Apes, exciting, lifelike figures. Move them, position them. Help Galon and the astronauts escape. And from Star Trek, voyage into the unknown with Mr. Spock and the crew from the Enterprise. Will they defeat the dreaded Klingon? It's up to you. Planet of the Apes and Star Trek, exciting, lifelike figures. New from Palatoy. This little boy, this little girl, their mother and father too. They all have an urge, and oh, what an urge, for something to munch and chew. Choo-choo! Now these are just swell, and this rings the bell. The popcorn is crispy and hot. Then others again have a terrible yen for a drink that hits the spot. Go, go! So if you want candy, the lobby is handy, a condo with sweets and a crew. With your kind permission, we'll have intermission, we're ready to serve all of you. We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. One day they'll tell a story, and some will say it was just a fairy tale about a human who came from the stars and changed our world. Freedom is history. Where am I? What is this place? Get them out and get them clean! Brutality is law. Rise when you must, Dantus. The powerful rule by fear. Next you'll be telling us these beasts have a soul. Is there a soul in there? It's disgusting the way we treat humans. How the hell did they get like this? What other way would they be? If they see you on the street, they kill you on sight. You stay here, you are dead. But Trevor, are you from? United States Air Force. I'm going back. Bye. Some humans have escaped. Is there another way out of the city? I can show you the way. They travel with apes. Declare martial law. We underestimate this human. The hell are they? The story is spreading through the villages. They all want to see this human who defies the apes. Full division! Full battle ready! It's over. There's no help coming. You came. Sound the call to march! Get me the spaceman. Planet of the Apes, ou La planète des singes, est un drame de science-fiction qui a été distribué en salle par la 20th Century Fox le 27 juillet 2001. Ce film américain d'une durée de 120 minutes a coûté plus de 100 millions à produire et a amassé plus de 362,2 millions de dollars à travers le monde entier. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Tim Burton, lui qui nous avait donné la version de 1989 de Batman, Edward Scissorhands ainsi que Beetlejuice. Au poste de producteur, on y retrouve le producteur américain Richard D. Zanuck, lui qui avait produit les films Jaws 1 et 2, True Crime et Deep Impact. Au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain William Broyles Jr., lui qui avait écrit le scénario de Apollo 13, Jarhead et Entrapment. Lawrence Conner, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Legend of Billie Jean et One Thing I Know, ainsi que Mike Rosenthal, ce scénariste américain qui avait écrit le film The Jewel of the Nile et Mercury Rising, qui se sont occupés ici de l'écriture de ce remake. Au niveau de la distribution, on y retrouve l'acteur Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clark Duncan, Chris Christopherson, Estella Warren, Paul Giamatti, Kari Hiroyuki Tagawa, David Warner et Lisa Mary. En 2029, un astronaute traverse à bord d'une capsule spatiale une tempête magnétique qui le transporte dans un lointain futur sur une étrange planète où il est capturé par des singes intelligents qui méprisent la race humaine. En 1988, un des exécutifs de la 20th Century Fox, Craig Baumgarten, décidera d'offrir la chance à un jeune scénariste et réalisateur indépendant de seulement 21 ans, Adam Rifkin, de relancer la franchise de Planet of the Apes. Étant un amateur du film de 1968, Rifkin présentera un concept d'abord intitulé Planet of the Apes, The Final Battle, puis renommé Return to the Planet of the Apes, une sorte de suite alternative qui ignorait tout ce qui avait été réalisé après le film original de 1968. Dans ce concept, un descendant du personnage de Taylor, assisté du fils de Cornelius et Zira, lancera une révolte contre l'oppression des singes. Le projet recevra l'accord des exécutifs et le réalisateur d'effets spéciaux Rick Baker sera alors embauché pour s'occuper des divers maquillages. Danny Elfman sera également engagé pour réaliser la trame sonore alors que Tom Cruise et Charlie Sheen furent considérés pour le rôle principal. Cependant, quelques jours avant que le projet n'entre en pré-production, de nouveaux dirigeants prendront le contrôle des studios Fox, ces derniers demandant à Rifkin d'écrire plusieurs autres versions qu'ils trouveront toutes insatisfaisantes, forçant alors l'abandon du projet. Même qu'à un certain moment, le réalisateur John Landis se portera à la défense du projet de film en se proposant au titre de producteur exécutif, mais ce sera finalement le nouveau président de la Fox, Joe Roth, qui mettra un terme à cette version du projet. À la fin de 1992, le réalisateur Peter Jackson et la scénariste Fran Walsh écriront un traitement de 3 à 4 pages pour un film qui se serait situé après le cinquième film de la franchise et qui aurait permis à l'acteur Roddy McDowall de revenir dans la série, ce dernier ayant rapidement accepté de participer au projet. Alors que les négociations avaient débuté avec le président de la Fox, Joe Roth, ce dernier quitta la compagnie en novembre 1992, le dossier de production étant alors transféré dans les mains du chef de production de la Fox, soit Tom Jacobson, qui n'était lui pas un amateur du projet de Jackson et qui n'était malheureusement pas au courant de l'implication de McDowell. Suite à quelques mésententes avec Jacobson, Peter Jackson abandonnera alors son idée et se tournera vers d'autres projets. À la fin de 1993, les producteurs Jane Hampshire et Don Murphy décideront d'apporter une idée pour un nouveau film de Planet of the Apes. Le nouveau président de la Fox, Peter Chernin, acceptera le projet à deux conditions. La première était que ce nouveau film ne devait pas avoir de rapport avec les films précédents et que le scénariste, réalisateur et producteur Oliver Stone soit producteur et co-scénariste du nouveau projet. Stone acceptera le poste et fera alors appel à Terry Hayes comme scénariste. Les deux hommes développant un scénario intitulé « Return of the Apes ». Dans leur scénario, l'humanité est menacée par une maladie codée dans son ADN. Deux scientifiques remonteront alors dans le temps pour arrêter le virus à son origine et découvriront que la maladie a été conçue par des singes avancés pour s'assurer de la destruction éventuelle de l'humanité. Arnold Schwarzenegger fut alors embauché pour jouer le rôle principal. Les réalisateurs Sam Raimi et Chuck Russell furent considérés pour la réalisation du film de science-fiction, mais ce sera finalement le metteur en scène Philip Noyce qui obtiendra le poste tant convoité. Rick Baker sera alors remplacé par le concepteur des effets spéciaux Stan Winston. Malheureusement, bien que le projet ait impressionné le président de Fox, Peter Chernin, d'autres dirigeants, eux, étaient ambivalents face au budget astronomique du long-métrage à l'époque, soit plus de 100 millions de dollars, et surtout au scénario d'action, estimant que ce dernier devait être beaucoup plus léger. Lorsque le directeur de la production chez Fox, Dylan Sellers, insistera sur le fait que le scénario se devait d'inclure une scène comique, celui-ci mettra à la porte Terry Hayes lorsque ce dernier refusera d'apporter ses 10 changements. Face à cette décision, le réalisateur Philip Noyce démissionnera, causant ainsi le départ de presque toutes les personnes impliquées dans le projet, incluant Oliver Stone. Don Murphy et James Hampshire verront leur contrat être racheté par la Fox et le projet sera alors complètement abandonné. En octobre 1995, alors qu'il conduisait en état d'ébriété suite à sa participation à la première du film Strange Days, Dylan Sellers aura un violent accident de voiture, tuant un collègue et obtenant une peine de prison d'un an, forçant Peter Chernin à transférer toutes les responsabilités de Sellers au nouveau chef de production, Tom Rothman. Suite à l'échec du projet de Stone Hayes, les exécutifs de la Fox feront appel au réalisateur-producteur Chris Columbus pour développer un nouveau concept. Columbus embauchera alors le scénariste Sam Hamm pour écrire le nouveau script, reprenant des éléments du roman de Boulle et certains aspects du scénario de Terry Hayes. Dans cette version, un astronaute singe provenant d'une planète lointaine libère un virus dévastateur sur Terre. Afin de sauver leur monde, des scientifiques se rendront sur la planète des singes où ces derniers chassent les humains. Trouvant un remède au virus, ils reviendront sur Terre maintenant sous le contrôle des primates. Stan Winston Studios travaillait toujours sur les conceptions de maquillage, alors qu'Arnold Schwarzenegger était également resté attaché au projet, mais encore une fois, les exécutifs trouvèrent le scénario décevant. À la fin de 1995, Chris Columbus abandonnera le projet suite à la mort de sa mère et ira travailler sur son prochain projet, soit Jingle All the Way, avec en sa compagnie Schwarzenegger. En janvier 1996, le réalisateur Roland Emmerich sera approché, mais ce dernier refusera l'offre. C'est alors que Peter Chernin et Tom Rothman rencontreront Peter Jackson pour la première fois, ce dernier leur représentant de nouveau la même idée que celle qu'il avait eue précédemment. Jackson se verra alors offrir un contrôle créatif complet sur le nouveau projet. James Cameron interviendra alors à titre de producteur, mais cela forcera Jackson à de nouveau quitter l'univers de la planète des singes, celui-ci ne voulant pas travailler avec Arnold Schwarzenegger, lui également de retour sur le projet, et James Cameron, reconnaissant qu'il entrerait certainement en conflit sur la direction du long-métrage. Une autre raison également pour son retrait du projet sera le fait qu'il avait commencé son travail sur sa trilogie de Lord of the Rings et également sur son remake de King Kong. Cela forcera James Cameron à prendre les rênes de la production, mais celui-ci refusera le poste de réalisateur étant occupé par son tout nouveau projet, soit Titanic, qui retardera d'ailleurs son engagement, ayant toujours l'intention de produire et d'écrire le long-métrage. D'ailleurs, la société de développement de Cameron, Lightstorm Entertainment, signera avec la Fox pour coproduire le nouveau film. Ce sera alors le réalisateur britannique Danny Boyle qui fut alors approché pour mettre en scène le film, toujours avec Arnold Schwarzenegger en vedette. Mais, en décembre 1997, un nouveau scénario sera complété, transportant l'histoire plus de 30 ans après les événements du premier film et mettant l'accent sur la progéniture inhabituelle de Taylor et Nova. Suite au départ de Danny Boyle, Michael Bay sera proposé comme réalisateur, mais ce sera finalement le metteur en scène Peter Hyams qui sera finalement choisi. Cependant, les exécutifs rejetteront le choix du réalisateur de Cameron qui, désillusionné, quittera également le projet en compagnie de Schwarzenegger. Se devant de retourner sur la planche de dessin pour trouver une nouvelle direction, les exécutifs de la 20th Century Fox continuèrent de rencontrer plusieurs réalisateurs et scénaristes de renom. En mars 1999, ce sera le scénariste William Wells Jr. qui refusera tout d'abord l'opportunité d'écrire un scénario pour le projet, qui changera finalement d'avis quand on lui offrira un contrôle créatif étendu. Une date de sortie sera alors confirmée pour juillet 2001 et Stan Winston se remettra au travail afin de développer sa technique de maquillage. Michael Bay sera de nouveau approché comme réalisateur, mais ce dernier dut refuser, travaillant sur le film Pearl Harbor. Broyles soumettra son premier projet de scénario en septembre 1999, qui s'intitulera alors The Visitor. Tim Burton et Frank Darabont seront alors approchés pour le poste de réalisateur, Burton étant alors choisi en février 2000. Ce sera à ce moment que les producteurs de la Fox inviteront le producteur Richard D. Zanuck à rejoindre ce nouveau projet à titre de simple producteur. Zanuck, qui était l'ancien chef de production chez 20th Century Fox, était l'homme qui, à l'époque, avait donné le feu vert au film original de 1968. Dès son embauche, Burton commencera à peaufiner le scénario de Broyles. Cependant, Burton décidera de mettre de côté le maître des effets spéciaux Stan Winston, qui avait déjà travaillé avec Burton sur Edward Scissorhands et Batman Returns, afin de réembaucher le maquilleur Rick Baker. Il fut suggéré par les exécutifs de la Fox de générer les singes à l'aide de l'imagerie informatique, mais Burton insistera pour utiliser les maquillages prosthétiques de Baker. Alors que la pré-production démarrait enfin, l'acteur Mark Wahlberg signera pour le rôle principal pour un contrat de 2 films, incluant une suite si nécessaire. Alan Rickman sera par la suite en pourparlers pour interpréter le chef des singes, mais sera insatisfait du salaire proposé. Ce sera finalement son compatriote britannique Tim Roth qui obtiendra le rôle en juillet. Estella Warren, Nils Allen Stewart, Paul Giamatti et Michael Clark Duncan seront par la suite embauchés pour compléter la distribution. Johnny Depp sera approché pour jouer un rôle de singe, ce dernier réalisant plusieurs tests de maquillage, mais sera finalement mis de côté. Carrie Hiroyuki Tagawa et Helena Bonham Carter seront alors embauchés dans la distribution, tout comme l'acteur Charlton Heston, qui interprétera ici le rôle d'un primate, et surtout l'actrice Linda Harrison, Nova, dans le film de 1968, qui aura également ici un rôle caméo. Du côté scénario, la dernière version de Burroughs et Burton prévoyait un budget de plus de 200 millions de dollars, alors que les studios Fox voulaient réduire celui-ci à moins de 100 millions. Et donc, 2 mois avant le tournage principal, des réécritures seront demandées pour abaisser le budget, forçant Broyles à quitter. Ce seront les scénaristes Lawrence Conner et Mark Rosenthal qui seront alors embauchés pour effectuer les réécritures du script, alors que les décors pour la production étaient déjà en construction. Alors que la pré-production était en cours, Burton demandera à ce que ses acteurs participent à un camp d'entraînement tout simplement appelé Ape School. Ce camp consistait en des cours de formation de mouvement pour les acteurs qui incarnaient les singes. Ces cours étaient organisés par Charlie Crogwell, John Alexander et Terry Notary, ce dernier étant un ancien acrobate du Cirque du Soleil. Les acteurs principaux suivront un programme d'un mois et demi, alors que plus d'une centaine de figurants participeront, eux, à des ateliers intensifs de 3 jours. Le Chili, l'Islande et le Moyen-Orient furent tous considérés comme des lieux potentiels de tournage afin de représenter la planète des singes avant que la production ne s'installe finalement dans des sites plus rentables et surtout plus proches d'Hollywood. Sous le nouveau titre de Planet of the Apes, le tournage débutera à Independence Bay, en Arizona, le 6 novembre 2000. Le film fut principalement tourné au studio Sony Pictures à Culver City, en Californie, tandis que d'autres scènes seront tournées en mars au mont Kilauea, sur la grande île d'Hawaï. Le tournage prendra fin en avril 2001. Cependant, cette production fut une expérience très difficile pour Burton, en grande partie à cause de la date de sortie catégorique de juillet 2001, ce qui signifiait que tout, de la pré-production au travail de montage, en passant par les effets visuels, avait été précipité. Industrial Light and Magic, Rhythm and Hues Studios et Animal Logic furent mandatés pour les séquences d'effets visuels. Du côté du maquillage, celui-ci prendra entre 3 et 4 heures et demie à appliquer pour chacun des acteurs impliqués et prendra moins d'une heure et demie à retirer. Au poste de décorateur, ce sera Rick Hendricks qui obtiendra le poste sur la production, ce dernier ayant travaillé sur presque toutes les œuvres de Burton depuis le début de la carrière de ce dernier. Ce sera d'ailleurs lui qui eut l'idée concernant le fait que le temple mystique de Semos serait en fait l'épave de la station spatiale de l'Oberon, une sorte de clin d'œil au plan final de la Statue de la Liberté du film original de 1968. Au niveau des différents costumes, ce sera la costumière Colleen Atwood qui s'occupera de leur conception, celle-ci ayant déjà travaillé avec Burton sur ses films Edward Scissorhands, Edward, Mars Attack et Sleepy Hollow. Ce sera le département de coiffure de Sylvia Nava, avec son équipe de plus d'une vingtaine de personnes, qui produira tous les cheveux pour les quelque 300 à 400 singes du film, et ce, en moins de 5 mois. Ancienne fabricante de perruques, Nava travaillait pour le concepteur des effets spéciaux Rick Baker depuis le remake de Mighty Joe Young en 1997. Mais sa première incursion dans l'industrie des effets spéciaux eut lieu lorsqu'elle postula pour travailler sur le Planet of the Apes original de 1968, un emploi qu'elle ne réussira pas à obtenir parce qu'elle n'avait pas encore l'expérience nécessaire pour le poste. Pour la Cité des singes, le village sera une combinaison de décors grandeur nature érigés sur une scène sonore des studios Sony, d'une miniature créée par la compagnie ILM et de matte painting numérique. Il faudra tout près de 4 mois à l'équipe de production pour bâtir la Cité des singes en taille réelle qui s'étendait d'un mur à l'autre du studio et s'élevait jusqu'au plafond de l'endroit. Ape City présentera des défis uniques, notamment en ce qui concerne l'éclairage. Pour contourner ce problème, Burton a choisi de ne même pas essayer de créer un effet extérieur ensoleillé, mais plutôt de maintenir la ville dans un ciel constamment couvert, soit à l'aube, dans le brouillard ou tout simplement de nuit. Lors du tournage, certains incidents surviendront, notamment un moment inquiétant durant lequel le chimpanzé jouant le personnage de Périclès s'attaquera réellement à l'actrice Helena Bonham Carter. De plus, l'acteur Tim Roth n'était vraiment pas à l'aise face à l'acteur iconique Charlton Heston, ce dernier étant président de la National Rifle Association. En effet, Roth était fortement opposé aux armes à feu et Tim Burton devra convaincre son acteur de passer outre ses croyances politiques. Mais Roth ne sera pas le seul acteur à avoir des difficultés avec le choix de Heston dans la distribution, l'acteur Mark Wahlberg ayant des réserves similaires à propos de cet acteur, demandant à n'avoir aucune séquence avec lui. Une autre problématique fut que toutes les séquences tournées au lac Powell furent filmées de nuit en décembre et janvier, ce qui faisait en sorte que la température de l'eau était extrêmement froide. Afin d'éviter que les acteurs et les chevaux ne souffrent d'hypothermie, l'équipe des effets spéciaux utilisera une chaudière à vapeur qui produisait de la chaleur 24 heures sur 24 durant les 3 jours de tournage, réchauffant l'eau à une température plus respectable. Une fois le tournage terminé, Burton demandera à son collaborateur musical régulier, Danny Elfman, de réaliser la musique. Elfman étant déjà sur le projet de remake de Planet of the Apes depuis 1989. Le compositeur et le réalisateur, qui verront leur relation d'affaires s'effondrer lors du tournage du film The Nightmare Before Christmas, s'étaient réconciliés pour la comédie de science-fiction Mars Attack 3 ans plus tard. Pour Planet of the Apes, Elfman utilisera beaucoup plus d'instruments à percussion qu'à son accoutumée. Pour promouvoir la sortie du nouveau long-métrage de la franchise des singes, les exécutifs de la 20th Century Fox collaboreront avec la compagnie de marketing Geocaching afin de lancer une campagne Internet surnommée Project Ape. L'histoire de la promotion, qui n'avait en réalité aucun lien avec le film, était qu'un groupe d'humains renégats plaçait des artefacts à travers le monde entier dans le but de révéler une évolution mondiale alternative des primates. Pendant plusieurs semaines, en 2001, une cache contenant des accessoires et des souvenirs de films seront publiés chaque semaine. Cette campagne commerciale débutera en février 2001, soit 5 mois avant la sortie estivale du long-métrage. Le drame de science-fiction sera distribué dans plus de 3500 cinémas à travers l'Amérique du Nord, amassant plus de 68,5 millions de dollars lors de son premier week-end d'ouverture. Planet of the Apes aura également le second week-end le plus élevé de 2001, tout juste derrière Harry Potter and the Philosopher's Stone. Au total, Planet of the Apes amassera plus de 180 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord et un 182 millions de dollars additionnels à l'étranger. Les exécutifs de la Fox avaient déclaré que si le film était un succès financier, qu'une suite serait alors commandée. Cependant, ils prendront la décision de ne pas poursuivre, principalement parce que le réalisateur Tim Burton n'avait aucune intention de revenir, ce dernier étant tout simplement brûlé de l'expérience négative de la production. Tous les comédiens principaux, soit Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter et Paul Giamatti, seraient revenus si Burton avait décidé de faire une continuité à ce long métrage. Bien qu'il s'agissait de la première collaboration de Tim Burton avec le producteur Richard Desanouk, ce sera cependant le dernier film sur lequel le réalisateur américain travaillera avec son ancienne fiancée, Lisa Murray. Après la rupture de leur relation, Burton entamera alors une liaison avec l'actrice Helena Bonham Carter, avec qui il aura deux enfants, soit en 2003 puis en 2007. Burton et Carter se sépareront finalement en 2014. Planet of the Apes fut nominé pour deux BAFTA Awards, l'un pour les meilleurs maquillages et l'autre pour la meilleure conception des costumes. Tim Roth, Helena Bonham Carter, Colin Atwood et Rick Baker recevront tous des nominations au Saturn Award, principalement pour les prix de meilleur acteur second rôle, meilleure actrice second rôle, meilleur costume ainsi que les meilleurs maquillages. Atwood et Baker seront également nominés au 55e British Academy Films Award, tandis que le compositeur de musique Danny Elfman, lui, sera nominé pour son travail au 43e Grammy Awards. Planet of the Apes remportera cependant le prix du pire remake au 22e Golden Raspberry Awards, tandis que l'acteur Charlton Heston remportera le prix du pire acteur pour un second rôle et également Estella Warren qui remportera le prix de la pire actrice dans un second rôle. Au Stinkers Bad Movie Awards de 2001, le film recevra une nomination pour le pire réalisateur, soit Tim Burton, la pire actrice dans un second rôle, soit Estella Warren, et le pire scénario pour un film rapportant plus de 100 millions de dollars dans le monde, mais ne remportera aucun de ces prix. La maison d'édition HarperCollins publiera une novélisation du film ainsi qu'une série de romans. De plus, la maison d'édition de Harper Entertainment publiera une série de livres jeunesse basés sur les personnages du long-métrage. Ce sera la compagnie de comic book Dark Horse Comics qui sera chargée d'adapter le film sous forme de roman graphique, tout en décrivant les événements survenus dans les années qui ont suivi le départ du capitaine Leo Davidson dans une série de bandes dessinées originales. Ce sera finalement la compagnie Hasbro qui produira et distribuera une ligne de jouets basée également sur les différents personnages du long-métrage. En 1998, après que la 20th Century Fox ait donné son feu vert à la version du remake du film de James Cameron, la division jeux vidéo de la société Fox Interactive commencera à planifier un jeu vidéo. Le projet de film a été suspendu lorsque Cameron s'est retiré, mais Fox Interactive est resté confiant qu'un remake finirait par progresser et a continué l'évolution du jeu. Fox a ensuite engagé la société française VisiWare en tant que développeur, ces derniers développant alors leur propre histoire inspirée du roman de Pierre Boulle et des films originaux. Le jeu, qui suivait les aventures de l'astronaute Ulysse après son écrasement sur la planète des singes, sera par la suite développé pour PC et la console de jeu PlayStation. Malgré son long développement, le jeu vidéo ratera la sortie du film de Burton et ne sera distribué qu'en septembre 2001 sur PC et sur PlayStation en août 2002. De plus, Ubisoft et le développeur Taurus Games produiront un jeu Planet of the Apes sensiblement différent pour Game Boy Advance et Game Boy Color. Le producteur Richard Zanuck décédera le 13 juillet 2012 d'une crise cardiaque à son domicile de Los Angeles, à l'âge de 77 ans. Quant à l'acteur Michael Clarke Duncan, surtout connu pour son rôle marquant de John Coffey dans The Green Mile, ce dernier fut amené au centre médical Cedars-Sinai après avoir subi une crise cardiaque le 13 juillet 2012. Le 6 août 2012, il sera transféré de l'unité de soins intensifs, mais ce sera le 3 septembre 2012 que Duncan décédera à l'hôpital d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 54 ans. Le comédien britannique David Warner, lui, est décédé d'une maladie liée au cancer à Denville Hall, à Londres, le 24 juillet 2022, à l'âge de 80 ans. Pour William Glenn Shadix, cet acteur américain, connu surtout pour son rôle d'Otto dans le film Beetlejuice, ce dernier subira en 2009 une intervention chirurgicale pour soulager une cheville qu'il s'était cassée pendant un tournage. Par la suite, il aura des problèmes de mobilité et devra même utiliser un fauteuil roulant. Malheureusement, l'acteur sera retrouvé mort à son domicile le 7 septembre 2010 dans son condominium à Birmingham, en Alabama, des suites d'un traumatisme crânien suite à une chute. Finalement, l'acteur Charlton Heston, devenu un icône du cinéma américain avec ses rôles dans des épopées bibliques, des films de science-fiction et des films d'action tels que El Cid, Ben-Hur, The Ten Commandments, Planet of the Apes, The Omega Man, Soylent Green et Earthquake, décédera le matin du 5 avril 2008 à son domicile de Beverly Hills en Californie, aux côtés de sa femme de plus de 64 ans, des suites d'une pneumonie. Du côté des points forts, eh bien, la force principale de ce nouveau volet de la franchise de la planète des singes est sans contredit son visuel, possédant un panache incontestable digne de la touche du réalisateur. La direction technique ici est à couper le souffle, tout comme les maquillages, qui sont ici tout simplement exceptionnels. La distribution est excellente, tout comme la réalisation de Tim Burton, qui nous présente ici des singes qui, pour la première fois de la franchise, agissent vraiment comme des primates. L'interprétation de Tim Roth est vraiment bestiale, alors que celle de Paul Giamatti est tout simplement amusante. La direction technique, les décors ainsi que les costumes sont également d'excellente qualité. Il est curieux de voir ce qu'aurait été le résultat final si on avait donné plus de temps à Burton pour réaliser son film. Mais du côté des points faibles, bien qu'exceptionnel, la réalisation de Tim Burton se trouve par moments chaotique, le rythme du film allant beaucoup trop vite, ne laissant pas le temps à notre cerveau de respirrer. Même la musique de Danny Elfman est ici beaucoup trop omniprésente. On semble avoir peur de laisser des temps morts au niveau sonore afin de s'assurer que le spectateur ne s'ennuie pas. Le scénario manque ici de finesse, se perdant dans une série de dialogues politiques inutiles et de répliques servant à rendre hommage au film original et surtout en nous présentant ici une conclusion totalement inutile afin de compétitionner celle de 1968. Au final, seul le maquillage du personnage d'Helena Bonham Carter est, tant qu'à moi, faible au niveau du travail de Rick Baker, celui-ci faisant passer le chimpanzé pour être un personnage beaucoup plus humain que ce qu'il devrait être au naturel. Du côté musical, eh bien, c'est effectivement le compositeur américain Danny Elfman qui s'est occupé de la trame sonore du film ici, lui qui nous avait donné les trames sonores de Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, la version de 1989 Batman et la version de 1990 de Dick Tracy. On peut trouver sa trame sonore en CD, trame sonore qui a été distribuée le 24 juillet 2001 sous l'étiquette Sony Classical Music. Et vous avez le Expanded Score, et lui qui est sorti dans une édition limitée à 3500 exemplaires sous l'étiquette La La Land Record le 14 février 2012. Je vous fais écouter ici le thème du remake de Planet of the Apes. Thank you. des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté Battle for the Planet of the Apes 5. J'y vais également avec un 5, probablement un des films les plus faibles de la franchise. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film général. J'y vais également avec une cote pour tous, malgré quelques scènes de violence superficielle. Au niveau de Planet of the Apes, le remake de Tim Burton, Mediafilm a coté le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Au niveau technique, ce film-là est d'une beauté incroyable. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma y va avec une cote générale. J'y vais également avec une cote pour tous. Au niveau de la disponibilité en DVD, eh bien, vous pouvez avoir le film Battle for the Planet of the Apes en français et en anglais, en DVD ainsi qu'en Blu-ray. Il vous est possible d'avoir également ce film dans le coffret de collection en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray, qui s'appelle Planet of the Apes, The Five Film Collection, donc qui inclut bien sûr les cinq premiers films de la franchise. Du côté de Planet of the Apes, le film de Tim Burton, celui-ci est disponible en DVD et en Blu-ray, en français et en anglais. Donc ça également, c'est quelque chose qui vous est possible d'avoir. Du côté maintenant de la série télé, eh bien la série télé est disponible en DVD seulement. Une série qui, du côté des points forts, je vous dirais, est quand même une bonne continuité, respecte beaucoup l'univers de la planète des singes. Mais du côté des points faibles, eh bien, c'est des scénarios qui sont vraiment basic. Il n'y a pas de continuité d'un épisode à l'autre, donc il n'y a pas d'évolution des personnages. Quelque chose qu'on peut s'attendre de ces séries des années 60 et 70. Donc, c'est quand même quelque chose qui mérite d'être dans votre collection si vous avez la chance de l'avoir. Du côté de la série Return to the Planet of the Apes, bien, la série d'animation est également disponible en DVD, version anglaise seulement. Début qui est chaotique un petit peu, mais plus on avance dans la série, plus celle-ci devient bonne. Donc, c'est quelque chose aussi qui mérite d'être dans votre collection, surtout si vous êtes un fan de la planète des singes. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.